بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الحديث 46 بعد المياه. 146 حديث et dernier hadith du feu, باب qui touche à la salat de l'éclipse. يقول عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال خسفت الشمس على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فزعا يخشى أن تكون ساعة حتى أتى المسجد فقام فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط. ثم قال إن هذه الآيات التي يرسله الله تعالى لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. نصر أبو موسى الأشعري رضي الله عنه qu'il a dit qu'il y a une éclipse solaire à l'époque du Nabi صلى الله عليه وسلم, qu'il a pris peur et qu'il a eu pour crainte que ne vienne l'heure, à tel point qu'il s'est rendu au masjid et qu'il a accompli la salat avec les gens d'une longueur dans le qiyam et dans l'inclinaison et dans la prosternation qu'il n'a jamais vu auparavant dans une salat. C'est-à-dire Abu Moussa n'a jamais vu une salat avec un qiyam aussi long et un recours aussi long et un sujud aussi long. ثم قال, ensuite après il a dit إن هذه الآيات التي طيب. Et ensuite il a dit le Nabi sallam que ces signes sont des signes que Allah azawajal envoie non pas pour la mort de quelqu'un ou la vie de quelqu'un, mais pour faire peur à ses serviteurs. Donc si jamais vous voyez ces éclipses là, alors accourez en étant apeuré vers l'évocation d'Allah azawajal, sa invocation et la demande de pardon. نعم. قال فضيلة الشيخ ابن العثيمين رحمه الله تعالى. Le rapporteur c'est Abu Moussa al-Ash'ari al-Qahtani, dont on a déjà parlé auparavant, il me semble. Yaqulu mawdu' al-hadith, sujet du hadith, bayyan ma yaf'alu 'ind al-kusuf. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque une éclipse se déroule? Yaqulu fi sharh al-ijmali, explication globale. Yurbiru Abu Moussa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna ash-shams خسفت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا خائفا يخشى أن تكون الساعة العقوبة حانت لضلال أكثر أهل الأرض وطغيانهم وأن ساعة النفخ في السور حضرت. Donc là Abu Moussa informe qu'il y a une éclipse solaire à l'époque du Nabi صلى الله عليه وسلم et qu'il a pris peur et qu'il a eu pour crainte que cela ne soit la venue de l'heure, ainsi que le châtiment pour la cause de l'égarement de la plupart des gens et de leur injustice sur terre. Et que l'heure du souffle dans la trompe est venue. وَكَنَّهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ لِشِدَّةِ فَزَعِهِ ذَهَلَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَعَنْكُمْ سَاعَةِ النَّفْخِ فِي الصُّورِ لَا أَشْرَاتْ تَتَقَدَّمُهَا وَلَمْ تَكُنْ أَتَتْ بَعْدَهُ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ الطَّيِّبَ. Et également, le Shir dit que il se peut que à cause de cette grande peur, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam en a oublié justement que Allah azza wa jalla, dans le sens il a dit, et que Allah ne le châtiera pas si tu es encore en leur sein. C'est-à-dire que le châtiment de général, l'heure ou quoi ne pourra pas venir alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est encore présent. Et également, que le souffle dans la trompe est précédé par des signes qui n'ont pas encore eu lieu, ni à notre époque, ni à la sienne. Ce qui fait que ça ne pouvait pas être l'heure. Mais il se peut que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, par la grande peur qu'il a ressentie, qui n'est pas pensé à cela. C'est une supposition que le cheikh fait. طيب فدخل المسجد وصلى صلاة أطال قيامها وركوعها وسجودها لم يشهد أبو موسى مثلها قط فيما مضى من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. Et donc de là, il s'est rendu au masjid, il a fait une salat avec un long qiyam et un long recours et un long sujoud qui n'ont jamais été vus auparavant par Abu Moussa lors d'une salat du Nabi صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ من صلاته بين للناس أن هذه الآيات التي يخوف الله بها عباده أو العباد من كسوف الشمس وكسوف الشمس والقمر وغيره من آيات التخويف لا تكون لموت أحد ولا لولادته ولادته. Et ensuite, une fois que le Nabi صلى الله عليه وسلم a fini de faire la salat avec les gens, il leur a éclairci, comme on l'avait dit auparavant dans le Durus, que ces éclipses solaires n'ont pas lieu pour la naissance ou la mort de quiconque, mais cela juste pour faire peur aux serviteurs. ولكن الله تعالى يرسلها تخويفا لعباده ثم أمر صلى الله عليه وسلم من رأى منها شيئا أن يفزع إلى ذكر الله تعالى ومن هو الصلاة وإلى دعائه واستغفاره لما في ذلك من جلب رحمة ورفع العقوبة. Cependant Allah عز وجل envoie ces signes pour nous faire peur justement, comme nous l'avons répété. Ensuite le Nabi صلى الله عليه وسلم a ordonné à quiconque qui vient à ces éclipses d'en être effrayé et de se précipiter au zikr d'Allah, ainsi qu'à la salat, ainsi qu'à l'invocation, ainsi qu'à l'estighfar, demande de pardon. Dans d'autres hadiths, de faire l'aumône. Car cela, justement, apporte la miséricorde et empêche d'être touché par le châtiment. Parmi les causes. يقول من فوائد الحديث dans le monde de ce hadith شدة خوف النبي صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل لكمال علمه بالله وتعظيم وبعظمته. Cela montre la grande peur du Nabi صلى الله عليه وسلم d'Allah subhanahu wa ta'ala pour la perfection de sa science et la le ta'zim qu'il a pour Allah. C'est qu'il a plus peur que quiconque. Sa peur est plus grande que la peur de quiconque envers Allah. ثانيا مشروعية صلاة الكسوف في المسجد والإطالة فيها qu'il est légiféré de faire la salat du kusuf dans le masjid et que celle-ci soit longue. Il faut faire durer cette salat. Tant que l'éclipse dure, la salat dure. ثالثا مشروعية الخطبة بعدها وبيان الحكمة من الكسوف qu'il est légiféré de faire la khutbah après cette salat du kusuf et d'y indiquer la sagesse de ce kusuf. Pourquoi est-ce qu'il a lieu? رابعا أن الحكمة من الآيات تخويف الناس لا موت أحد ولا حياته. Que la sagesse justement du déroulement de ces signes qui ont lieu, les signes divins, cela n'est pas pour l'occasion de la naissance ou la mort de quiconque, mais pour faire peur aux gens. خامسا مشروعية الفزع إلى ذكر الله تعالى ودعائه واستغفاره عند رؤية الكسوف وآيات التخويف. Et qu'il est justement légiféré d'être pris par la peur et de se rappeler d'Allah Azzawajal et de l'invoquer et de demander pardon lorsque l'on voit une éclipse ou tout autre signe qui amène à nous effrayer. Venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Donc voilà ce que nous avons pris aujourd'hui de ces hadiths concernant Al-Kusuf. Wa bi'adal qad naktafi wa alhamdulillah rabbil alamin.